Er er weer een uur de Silo Hind en Brezonnek. C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnek. On part sur les chemins du breton, sur le chemin du breton. Hind ar Brezhoneg, sinon ce serait Hinchou ar Brezhoneg, Henri. Oui, s'il y avait plusieurs chemins, mais il y en a plusieurs, mais... Mais nous, on n'en propose qu'un, c'est ça? Oui, on fait ce qu'on peut. Hein. Henri, en tout cas, vous guide, et vous guide depuis longtemps, et de manière efficace et agréable, chaque semaine, pour vous familiariser avec la langue bretonne. On va, comme chaque fois, commencer par Gerriou ar Vuhé. C'est la leçon 464, père an, père à Triugen. Voilà. C'est ça, Henri? C'est ça. Et alors, aujourd'hui, j'avais pensé parler d'un mot assez court, hein, qui est « ol », qui est à la fois un mot et une racine. Donc, « ol », hein, qui veut dire « tout ».« Ol », « h-o-2-l ». Certains l'écrivent sans H, moi je mets un H. Bon, ça fait, j'ai eu plus l'habitude de le voir écrit avec un H, parce que dans les cantiques on l'écrit toujours avec un H, et il y a beaucoup de cantiques où on trouve ça, parce que on va dire pourquoi. Alors c'est une vieille racine celtique, hein, qu'on trouve en gaulois, olos. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve en gaulois et en breton. Un jour on fera quelque chose sur le gaulois, parce que c'est vraiment très passionnant. Et donc, il y avait le chanoine Falhan, hein, qui avait beaucoup travaillé la question des rapports entre le gaulois et le breton. Donc, pour dire que c'est une vieille racine qu'on trouve également en cornique, en gallois et en gaélique, dans des sens voisins. Alors, tout. Alors, comme je le disais, on le trouve souvent dans les cantiques, parce que c'est une façon un peu... raffiné, un peu, de dire tout, hein. Autrement, par exemple, quand on dit un oldut, hein, c'est une façon plus raffinée de dire tout d'un dut, parce que dans la conversation courante, on dit souvent tout d'un dut. C'est tout ou c'est tous? Hein, c'est tout et tous. D'accord. Oui. Un oldut, oui. Alors, je disais, par exemple, on trouve ça dans les cantiques, hein, Melon bol de Jean Meus, hein, louons tous à jamais. Melon bol de Jean Meus. Il y a adorons bol aussi. Adorons bol. Guir sacrament de notre. Voilà. Et de dol à deux grandes fées aussi. Donc, il y en a plein. Hein. Voilà. Alors, donc, c'est à la fois un adjectif et une racine. Et donc, par exemple, alors un oldut, hein, j'en ai parlé, hein, donc un oldut avec mutation adoucissante, hein, après un ol, et qui correspond à ce qu'on a tout d'un dut dans la conversation courante des bretonnants de naissance, un oldut. Un ol, alors parfois on dit tout simplement un ol, pour dire tout le monde, hein. Hier en mat un ol, him zo hon de gol. Hein, bien, donc bonne santé à tous, car celui-ci va être perdu. Il s'agit du coup à boire. Hein. Voilà. Blavesmat tenol, hein, bonne année à tout le monde. Kenavo de Nol, Trugar et de Nol, hein, merci à tout le monde. Evidenol, c'est quelque chose de public. D'ailleurs, il y a des associations qui s'appellent Tillenol, hein, la maison pour tous. Hein. Un ol amzer, hein. Un ol amzer, c'est tous les temps, hein. Par exemple, dindan un ol amzer, hein. On trouve ça dans certaines chansons, hein. Le cantonnier, par exemple, hein, la chanson du cantonnier. Je la connais pas, celle-là. Non, je l'ai pas tout à fait en tête, là. Ah. C'était fait par Prosper Bouedec, ici. Et il y a un endroit, il dit, rantonnier ve dindan un ol amzer, hein. Dehors, par tous les temps. C'est un peu l'équivalent en breton de sur la route de Louviers, le pauvre cantonnier, hein, qui cassait des tas de cailloux pour mettre sous le passage des roues. Voilà. Pas de Nol Amser, hein, depuis toujours. Hein. Un Olré, tous ceux qui. Hein. Un Olré, zo deux dormant, warzé. Hein. Tous ceux qui sont venus ici savent ça. Enol, alors on peut avoir un pluriel derrière, par exemple, Enol Delenour Yenbreis, hein, tous les joueurs de harpe, tous les harpistes de Bretagne, j'ai entendu ça l'autre jour à l'émission de Marie-Laure. Enol Besqueterien, hein, tous les pêcheurs, voilà. Alors c'est aussi utilisé comme racine, donc en particulier comme préfixe. Par exemple, dans Enolzen, hein, la Toussaint, Gwel Enolzen, la Toussaint. Enolvid, alors c'est un préfixe qui entraîne la mutation adoucissante. Hein. Enolvid, hein, l'univers. Olvede, l'universel. Toujours en relation avec la religion, Olhaludus, tout puissant. J'ai trouvé dans le vieux cantique de Guyodet, qui n'est plus chanté maintenant, il a été remplacé il y a une centaine d'années par des cantiques plus modernes. J'aime bien les références d'Henri. Voilà. Olbuisson, hein, c'est-à-dire on a pris l'adjectif français, et qui, on l'a soumis à la mutation bretonne, et ça donne Olbuisson. Hein. Tout puissant. Tout puissant. Alors quelques mots qui ont cette racine. Oluk, Oluk qui veut dire global, général. Olegadur, hein, qui est la généralisation. Olvezon, omniprésent. Oui, ce ol, justement, est souvent souvent l'équivalent de omni en français, oui. Voilà. Olzeber, c'est un omnivore, hein, un animal qui mange de tout, comme le porc ou l'homme, hein, on est très voisins, hein, pour beaucoup de choses. D'ailleurs, on peut se greffer nos organes les uns sur les autres, paraît-il. Hein, oui. C'est pas une perspective très réjouissante, en rien. Non, non, mais ça prouve qu'on est très proche, en fait. Et pour terminer, all value totalitaire. Oh là là. Ah, ça, c'est pour terminer, alors, totalement. Guerriou arvué. Voilà. On passe à la seconde partie, alors. Brezhoneg tamm a tamm, dans un tout petit instant. Brezhoneg tamm a tamm, je crois, Henri, que pour ce Brezhoneg tamm a tamm, on va parler de la radio. Oui, je voulais parler ici un petit peu de l'association, dont le nom est Association de soutien à Radio Kreisbreis, donc qui a tenu son assemblée générale le samedi 13 juin dernier à Melcarré. Et j'ai envie d'en parler parce que cette année, j'ai trouvé qu'il y avait un certain renouveau. Il y a un frémissement un petit peu, il y a des gens nouveaux qui sont venus, qui sont rentrés dans le conseil d'administration. Et rappeler un petit peu, parce que, bon, les gens savent que Radio Kreisbreis est une radio associative, mais peut-être qu'on ne le rappelle pas assez. Que c'est une radio qui est gérée par une association de soutien et donc qui n'est pas une radio commerciale, hein, donc le but n'est pas de faire du bénéfice, mais au moins de survivre, c'est déjà pas mal. Et que les gens sont bénévoles. Et que les gens, oui, les gens qui sont dans le conseil d'administration sont des bénévoles, hein, et sont ceux qui sont aussi dans le bureau. Alors cette association a été créée donc en 1981, donc ça fait 34 ans maintenant. Donc la première assemblée générale était à Plougonvert, donc le 22 décembre 1981, il y a 34 ans bientôt. Alors il faut remettre ça un peu dans le cadre de l'époque. Hein, c'était une époque où il y avait un bouillonnement culturel important en Bretagne. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de revenir en ce moment. Je trouve que la culture bretonne s'est assoupie un peu pendant un certain temps, puis que là maintenant il y a un renouveau. Hein. Et donc il y avait déjà à cette époque-là, dans les années entre 75 et 80, il y avait un bouillonnement culturel important. Les radios libres donc venaient en 81 venaient d'être rendues possibles. par l'arrivée de François Mitterrand, hein, donc qui avait été élu le 10 mai 81. Et donc, il y a eu un certain nombre de mesures prises rapidement, hein, en particulier l'arrêt de la centrale nucléaire de Plogoff, et puis l'autorisation des radios libres. Et alors, il y avait déjà ici, donc en 1978, il y avait eu création du CIVOM Tulgulic Quatmalouen. C'est un très beau nom, Tulgulic Quatmalouen, parce que ça fait référence à deux hauts lieux culturels de la Bretagne, du centre Bretagne, hein, du Kreisbreiz ici, hein, Tulgulic, le chaos rocheux, hein, où le Blavet se perd, et puis Quatmalouen, l'abbaye, où il se passe d'ailleurs beaucoup de choses maintenant, hein, l'abbaye aussi a repris vie. Alors avec il y avait eu six communes dans Civom, Lanrivain, Kerper, Saint-Gilles-Pligeaux, Saint-Connant, Pemrite et Trémargat. Donc ce Civom était un syndicat intercommunal à vocation multiple, donc qui avait pour but de faire revivre le pays, hein, qui était en perte de vitesse, à la fois sur le plan économique, sur le plan culturel, hein. Donc sur le plan de la formation des gens aussi, il y avait un volet formation dans ce CIVOM, et puis le volet culturel, donc avec la création de Gazette en Vroplin, qui a été le prototype en fait de la radio. C'était une sorte de radio sur cassette. Quelque chose d'assez étonnant, hein, par abonnement, hein, on avait vendu des magnétophones aux gens, des magnétophones à cassette, et puis vendus au prix coûtant, bien entendu, hein, et les gens s'abonnaient comme ça. Ils recevaient une cassette par mois ? Ils recevaient une cassette par mois. C'est incroyable. Ouais, ouais. Et donc, et ça ressemblait beaucoup à la radio, hein, c'était des informations, de la musique, des chants, des contes, enfin, il y avait un permanent, hein, René Richard, qui allait comme ça butiner dans les campagnes, hein, et c'est très intéressant, quoi. Et donc, de là, il y avait déjà l'idée de la radio, mais c'était impossible, puisqu'on ne pouvait pas avoir de fréquence à cette époque-là. Alors, il y avait des radios qui émettaient, des radios pirates, hein, qui émettait, mais nous, on voulait pas se lancer dans une radio pirate, hein. On voulait quelque chose de légal. Et c'est ce qui s'est fait, donc, en 81, quoi. Alors, il y a eu quelques essais, par exemple, des retransmissions de Fesnonz, hein, probablement captées par personne à l'époque, mais enfin, c'était des essais, quoi. Et finalement, on avait choisi Saint-Nicodème, quoi. Voilà. Et donc chaque année, évidemment, il y a une assemblée générale dans un lieu différent, en principe. Hein. L'idée, c'était de tourner un petit peu sur la zone d'écoute. Et donc, il y a eu un certain nombre. Il y a eu beaucoup de gens qui ont participé à la radio. Il y en a certains pendant très longtemps, d'autres qui sont récemment. Pour l'instant, c'est Jan-Pierre Deredel qui est le président. Bon, je ne sais pas s'il reprendra ou pas après la réunion du conseil d'administration. Peut-être qu'il y aura un nouveau président. Voilà. Donc, je pense que on voit qu'il y a un certain renouveau. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait de nouveaux adhérents. Ça coûte pas cher, ça coûte 8 euros par an. Hein, ce serait intéressant que des gens nouveaux, surtout. Bon, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent maintenant à la culture bretonne et à la langue bretonne, donc ce serait intéressant qu'il y ait plus de participation. Mais je pense que pour l'avenir, ça a l'air de repartir. Voilà, espérons-le. On passe maintenant à Petra Zonervé, Hervro. On espère aussi, hein, que tout va bien se passer pour la radio. On passe maintenant à la troisième partie de Interbrezhonek, Petra Zonervro, la Gazette d'Henri Le Naou. Henri, Petra Zonervro. Un calze drau et vel juste boerve, je dis aux ans, krogom vel kiz a custum gandela bourdouar a gervu et war armez. les vaisseaux obit Bazambrieg salons Terali, de l'Ardé et salons de l'Arbourdouar, et vite département de Haudou en Arvor. À Calzedut zo deut, Wardro seis warnug en mille, bénéfine, hein, pesor à Calz. À Calzedraou a oa de ziski den dut, à Square, ou à concours broa de leur zo normand. Vide, vide, brovrans e bid, à gare zo deut, de l'onde de ze pemzeg département, hag wardro hanter pemkan zaver zout, de zo wen normand zo bet deud. Hag ar zo bet disk kal ze l'onde de den dud, hag ze zo brav. Ba, blamen oa ke konkour jist bet pu dur vo gred ba nanglet ba fine miseven. Vo gred honkour vidor jist war département chez Brace. Hag vos grands concours vidangiste vidon douralo Argis Lambiquet. Goudrait Peter Argis Lambiquet. Non. C'est zo Pesvela Pomo en Galag hein. Zo on dra grand gangiste à grand lambic. Hag concours lambic et vel juste hein. Blanc me waket de wak concours gis mais concours wa vie de bire. Puis je so calze avec gré calze bier en brome ba braise ou à deux spen speg Hugenstall bier ou à deux de grande grande bière de gazezo on tombe on dra neve bavro wardash en l'arbre d'ours au calze drou un an que mort en marément wardash en mara de mort ne yak gwalvard en trou chomera réise leur prise, et vite payant, cargo eus averien. Hag un autre ou eur folle, ministre de l'arbre doua, eus au deux ne vaisseau, breis, a promette un eus d'or y seis possup, et vite classe qu'on discloun d'un cadence, met du roi vos dièse. A wardach en hi bevin, nak gweller un trou, hein. Peut dire vie de long de corne bonnes au diestério war mahat war da chenor politiqueres vraiment krog et trog de virvi vie de vota de gou rendvro ag vogred ba ba finor bla ag bon vela en dar krog et trog de virvi hein blanc me ma 13 en vo onem gleu gan en dudzo du gan de rendvro gant mur galoud, hein, de l'arade Braise Europa, hein, zo kasset gant Caroline Olivro, Bretagne Progrès, hein, Strolad Christian Troidec, NUDB, Bretagne Écologie, Strolad Parti Breton, Matrezen Vogel, tout de rien, au bord au listen, hein, war Matrezen Vogred, hag, Christian Tradek va faire de panelisten. Mais bon, j'ai, voilà de vos, pis ça m'a de vos comptes. J'ai fait bête d'un drap neve, me mestra, neve war, braise. Bon, videur PS, ma 13 en vos, war a rang Jean-Yves Le Drian, avec Guar Arras. Jean-Yves Le Brian, zo, Le Drian, voilà, Le Brian. Le Drian, zo, ministre Brezel, ma marme, hein. J'ai le vigilardzé. Le ministre de la guerre, quoi. On me fait l'art de la défense, mais mi blichtin l'art. Ministre Brezel, tostore de ze virionne. Hag, bon, Marc Le Fur, vinen tuguen. Marc Le Fur, justement, ne se guide au lever des vaisseaux, de display grand temps, mi venozio, hein. Muscolène de lever, mais de clève, muscombe de ses. Bon. Wardash en économies, ne la rin que calzedra d'art de ze FIFA, plus dur, ur FIFA et, strola loir, hein, wardro ur meldrot, war ur bet, hag, pelzo war en boire, bon zo berner an banafer, à l'homme VR, an evel jus, velerien, quasi popet, hein, ze disait, j'ai l'aérien. À Goliam Crin, les autres, l'air yenze est vel juste. À Gvégen Amzer, l'air yenze ve dorn à dorn, à Végen Amzer ven hor brezel, en aide de gilet. Bon, dis ve, enfin dix semants à dix veaux. Bon, ma treizaine vaut change de peine, mais le cafquetine change aussi. Calze draou. Bon, dans mon temps, voir un dash en arze vela dur bromen, boit tribla war nugenzo, ve comze de ze zinan, carta bro europa et vider jesu grasket, bon, scrive l'oabé de velmeslar atar tribla war nugenzo, hag bon calze broio une zine de cartaze, de hartaze, met pas broha level just. Hag pot François Hollande, pe oa o kambali, triblasso, ni oa promet ferme vige bezine de karta yezou gwask de gant gouvernement de Brohal. Bon, evel just oa lerze oa bedin an koa adze, met me zang ve zo deut te jonge de ma trezen ve fe bema de prometize oaz, hat prometize oaz, pi diurement vota degou o ton oaz. Hag vid oberze e diez an tamp pe dur ur konstitusion oa be bemfeud republik oa be skrivet gant Michel Debré hag i Vignon ne da hag oa laket barz oa ur gal hag iez republik bon setu pe dur manze ba konstitusion pe ba lez en stur ma peswant evid ten oze mez e red la quatre semblez un député d'un an potre de Camberigos leur sénat ma personne jurisé leur sénat et Camberigos ya ah, ya vel sénilité quoi bon ma mère grisienne ya ag bon verret dor oborzi la canet tout semblez vidor pesvegue de Hongrais ag au red cas de trigun dragon de Zamboyjou un peso quasi war impossible. Avancé sur war votre hubarde de breton de dorvechois. Mais breton de au costume de votre hubarde d'un avancé échange que calse. De ce que quoi le belzo puis on comme de son présent zo grade or film gan choisi Danielou. Diwar ben un du de neus bet de treuskas et d'ar brezon do bugal e ba tro ur blavez yo hanter kan o neub a familio neus der treuskas ar brezon de houls a gouskoud e de houls vigeget brezel d'ar brezon de gantou de Jacobine da. Jacobine rue, Jacobine gwen, Jacobine de pêchard an ne oa ke bra diski brezon ag d'ur vuga ale. Hag ur films evel just zo hanved ur gwin, an eket ur gwin, hein. Me ur gwin de la rade un nat troc, un nat voud de ze yod o vejve betrochet. Le regain vel ard in galak, de se ka. Ya, ur nan, avec ka, ur gir avec ka ved aliz, hein, ur gwin. Hag, bon, meus ket gwell ur film, un disque des bed, ur cinéma grand bleu, neus ket pelzo, mais ne meus ket gall Monteveld, mais j'on jal rand vo gwell ed ur films, ma trezen oa, ma pel velrez, on oa ich beneket, hein, bon, pe tamant, ba cinéma ba kalag, ma trezen oa fe bed mat. Bon, Waranda Chanel, des vaisseaux y est un an ou François Maé, de ce que calze du zuroir à ne jonge pi ou à François Maé, his wa au nom de ze gueland rederien war varhourn, ba amzer robic à luison bobé, à bon, ne zbid, chupen velen par de, on tombe amzer war, un tour de France, hein, de Hulz Gwegel, à Péouane, quand ferme ce biclé, comme de François Maillé, quoi. Mais bon, en quoi des Pelzo, hein, Perbla, Perruguenois. Bon. Réseau tram de Neveso, Batal Castel Perdo, Bagwengam, Zobetzoué, Zuroir, puis dur, Hastel Zobeneted, hein, vraiment esclair, hein, puis dur, Iowa Luz, hein, vraiment esclair, Magorio. Hag un tamp vel ma vefe bet o hastel neve, ya. Hag bon derrer a mont oa rog ur hag tres, hein, vid ober deus de ze hastel ou l'ermeur de Zorvro. Un DL, vejo ve, ve gwelet ve, ve lak de sambles bugal et otis ki brezondek, a ze zo mad, hein, vi dis velan ye ve, ve dis ke brezondek gant re el evite, hag un DL oa ba kompostal zus mad, bugal et de ze skolio kristen otis ki brezondek, hag oa spen, spen dohan, tre dohan a tri han bugal et non. Tis qui trou chilo contadeno chilo zoneras tansal roariou roariou à bob sortrou à goa calz obligadion bascol diwan boulevriac ya mar d'un trou plus dur ou abedigor de videndistro skol gand dex koliat à vraiment zo hugen à gansé bon non or au blanc hein nekefal Hag bon, chans war, na hant eus skol diwan, boulevriak. Ba kalak zo bedigor, an eus ket gwall bel zo, an disko ez adag, war a yevlek, ba mirdi chach, hein, mirdi en epagnol, hag zo an disko ez adag, war a zo randvet, breiz bro ar yevlek, galak bretagne ter de bekas. Hag bon, un disko ez adek zo bet hag fin miz gwen golo. Pe hantor miz gwen golo tienta. Hag an se, min non ke be fel ad roaz, me jon jon don. Han av mad e bavro strola de zoner yon du, hein, pe dur pemplad an warnug an en gret, hag ne di neo zan zo deun mez deus ke gwal bel zo, meus ke klaet an roaz, met bon, zoner yon du der a... Der à mon Warok, n'est que même zone aérienne du Tchine, peut dire, va changer, tant ma tante va changer, mais de, strolade der à mon, bon, sur voir, il y a, blad, parce que clé, non, parce que clé, va voir, non, non, bah, guelvo, puis c'est un mot, nous manquons, et ben, juste, bon, meus l'art, il y a, n'est que même zone aérienne, hein, peut dire, un titre, un blad de nez franquiste, hein. Peut dire, zo, grand no, un bar, zo, quand, grand, zave da, quand, grand, oui, Jacques Suignard. Suignard. Donc, un arzour, zo, han, va, han, ave, mode, bah, quand, chiloer, y'en est RKB, hein, peut dire, ta, Alice, de vel, han, en, ben. Wardach en eus evena du roaz, un arzour neus gred un disko eus adeg, baz ambriag a bagwengan, Charles Frégé, fotoio ou l'ar vegwell un merad, gant diad en gounel, hag bon, deus meus gwell de fotoio braoutri, bon, gwell vagn ba nantor ba chapel un tiker bagwengan, hag reel ba mirdi zambriag. Bon, peont komz deus archéologiez, un nemglev zo bezin neus ket gwall bel zo, gant ker karez a ker Herculanum. Ne vek l'art d'Herculanum tin, hein. Ercolano ve l'art un italian, neug, hein. Hag enan, bon, hier zo oa bet, hier zo oa bet de distrujen gant menetan ur Vesuv, hein. Babla nante ga trugen oa l'air Jésus Christ, hag bon zo l'air meur vid d'archéologies. Ah, c'est tu vraiment vorgium carez hag Herculanum Ercolano zo hond de labourat de Sambles et vid vidiski pezo bid kavet bando vro. Bon, c'est tu jonge alran même gré d'un tom un dro de ce pesso neve bavro. Merci Eric, à vous. Bon, c'est Norvégien, Morgan.